À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, un séminaire a eu lieu au Nouveau Parti socialiste de Roumanie et au Cercle d'études de la philosophie de Jeté du Nigeria, un rassemblement de célébrations, une exposition de photos et une séance de films à l'Association d'amitié Nigeria-Corée, une exposition de photos et de livres à l'hôpital général Farida de l'état de Zamfara du Nigeria. Dans les salles d'exposition se trouvaient les photos qui montrent les exploits des grands camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il et du respecté camarade Kim Jong-un, les livres et les photos qui présentent la Corée Chutse, invincible puissance politico-idéologique et militaire. À la séance de film, on a projeté le documentaire coréen « Célébration solennelle du 70e anniversaire de la fondation du Parti Travail de Corée » en présence du respecté camarade Kim Jong-un. Aux cérémonies ont participé les personnalités et les habitants. À la cérémonie tenue à l'Association d'amitié Nigeria-Corée, on a adopté un message de félicitations à l'adresse du camarade Kim Jong-un.